Vendredi 8 février 2013, vous écoutez La Vie en BD. Bon vendredi à tous et à toutes. Bienvenue à cette édition de La Vie en BD. Raymond Poirier au micro avec vous jusqu'à 18h30, comme à l'habitude, pour parler pendant une belle heure du 9e art de la bande dessinée. Une belle émission pour vous ce soir. Justement, on ira en fin d'émission creuser un peu autour des mécanismes de la bande dessinée. Qu'est-ce qui fait qu'on embarque, donc, les ficelles de la mise en scène de BD? On va en discuter avec Michel Giguère en route vers la prochaine rencontre des rendez-vous de la BD, qui aura lieu mercredi prochain et qui explorera justement cette thématique. Également, on aura l'occasion de parler longuement, de prendre le temps là, de discuter avec le fondateur et éditeur des éditions La Pastèque, Frédéric Gauthier, qui sera avec nous, lui qui est de retour d'ailleurs d'Angoulême, où certains de ses auteurs étaient présents, pense à Réal Godbout et Monsieur Fournier. Donc autour de cette anthologie Red Ketchup, alors on aura l'occasion certes de parler du passage à Angoulême, on va parler également avec lui de cette anthologie et de ce qui fait que La Pastèque est La Pastèque également au bout du compte. Donc j'avais envie de faire une petite entrevue mise à jour, si on peut dire, autour des différents projets de cette maison d'édition ce soir. Alors ben, ce sera fait tout à l'heure. Également, ben, sinon, dans l'actualité, BD, justement, on mentionnait Angoulême, ben, le festival est déjà derrière nous. On aura l'occasion d'en reparler en détail la semaine prochaine, puisque notre collaborateur Thomas-Louis Côté y était également. Alors, on prendra un temps pour faire le tour de ce qui s'y est passé, mais nécessairement, on peut pas passer à côté. Il faut quand même mentionner les gagnants de différents prix, des différents prix. Et notamment, ben, c'est l'auteur Christophe Blain qui a obtenu cette année le Fauve d'Or, donc le prix du meilleur album. C'est pour le deuxième tome de sa série Quai d'Orsay, une série qui est excellente. D'ailleurs, en fait, deuxième tome qui va droit dans le mille. Le premier également, si vous n'avez pas encore lu cette BD-là et que vous vous intéressez un peu aux thématiques autour justement de la sphère politique, des mécanismes de la politique, eh ben, c'est une satire et une observation qui est fort pertinente là-dessus. Ça vaut parfaitement le détour. Alors, bien content qu'il ait remporté ce prix. Sinon, le prix spécial du jury a été donné, lui, au Now de Brown de Glenn Dillon. On parle également du second tome de AMA, donc La Multitude Invisible de Frédéric Peters, qui a obtenu le prix série. Le prix Révélation, lui, a été donné à Autumn de John McNaught. Le premier tome des Légendaires Origines, donc on sait que la série Les Légendaires est déjà une série jeunesse extrêmement populaire, à ce point qu'ils ont fait des séries parallèles, un peu comme avec Torgal, enfin, dans les membres de Torgal, où on explore différents éléments, ou avec 13 aussi, qui fait cette dynamique-là. Et donc, on le voit avec les Légendaires, où on va, à travers de certains albums, donc, explorer les origines de certains personnages clés. Dans ce cas-ci, c'est le premier tome de ça, d'Anaël, de Patrick Sobral et Nadou, qui a obtenu le prix jeunesse. Au niveau du prix patrimoine, ben, c'est la série des Crazy Cats de George Harriman qui l'a obtenu. Fauve Polar a été donné de son côté à la Castilla Drive d'Anthony Pastor. Et enfin, dans la catégorie BD alternative, c'est Dupututo Max qui a été récompensé. Sinon, on avait parlé de ça il y a quelques semaines déjà, donc l'idée que la manière dont était voté le Grand Prix de la ville d'Angoulême avait été changée cette année, donc on ouvrait ça à un vote un peu plus large, un peu plus public, et c'était les gens qui étaient présents au festival qui pouvaient voter. Eh ben, c'est Willem qui a remporté ce prix. Pourquoi? Ben, en fait, sur le site du festival, je vous lis intégralement, on dit « spécialiste de la forme courte comme la plupart des chroniqueurs de leur temps, Willem demeure aujourd'hui encore un repère, un inspirateur pour nombre de ses confrères plus jeunes. Apparemment insensible au passage des années, il demeure surtout un extraordinaire technicien du noir et blanc. En presque un demi-siècle d'une activité débordante, son trait n'a jamais perdu de sa singulière modernité. » Et donc ça, c'est Willem qui a obtenu ce prix-là, mais ça n'a pas fait le bonheur de tous, bien au contraire. Dans la la mesure où il y a toujours une certaine controverse donc autour de cette nomination. C'est Louis Trondheim qui a levé le poteau rose. C'est un poteau rose qui a été levé ensuite par d'autres. On estime que le choix du lauréat ne reflète en rien le vote des professionnels présents. Donc Trondheim a dit, et je cite, « La majorité de l'Académie atteint son seuil de compétence en élisant le seul auteur connu, excellent néanmoins, par elle. » Alors, on estime donc que d'autres auraient mérité plus largement ce grand prix donné à l'occasion du festival. On avait l'impression que... En fond, Willem est peut-être un peu plus dans l'air du temps. On se questionne autour de ça. Je vous lis quelques citations d'auteurs, notamment Boulet, qui dit « Cette mascarade des votes était mignonne. Maintenant qu'on y a presque cru, retournons à notre chère gérontocratie. » Pénélope Bayeux qui dit « En fait, on votait pour le prix spécial, pas pour le grand prix. J'avais pas compris. » On dit, donc, Isler qui dit « Qui va croire que l'ensemble des auteurs a voté massivement pour Willem? » Thomas Caden lui disait « Tout ça est un peu triste. » Aussi pour Willem, qui est légitime, mais qui passe soudain pour un choix par défaut. Et Wandry dit, en terminant, dire que l'an prochain, si le jury des Grands Prix avait été moins vieux, Angoulême aurait pu devenir Gotham City ou Neo Tokyo. Alors, beaucoup de questions autour de ça. On aura l'occasion encore là d'y revenir plus en détail la semaine prochaine et de voir comment justement ça s'est vécu sur place, cette controverse-là, autour donc du prix donné à Willem. Ce qu'on souligne donc, pour résumer, c'est oui, il est bon, oui, il mérite une reconnaissance, mais est-ce qu'il la méritait cette année à Angoulême ou est-ce que ce fut un choix par défaut? Alors, on met ça dans notre pile de dossiers à suivre. Et dernier petit clin d'œil, puisqu'on parle d'Angoulême, il y a Michel Falardeau, auteur de French Kiss 1986 chez Glénat, auteur de Québec d'ailleurs, qui a eu un prix Actua BD dans le cadre du festival d'Angoulême. En fait, c'est prix coup de cœur du Conseil général des jeunes de Charente et du Webzim Actua BD, un jury de jeunes lecteurs qui a choisi son livre. Prix coup de cœur, donc ça veut dire que le prix a été gagné à proprement parler par le tome 4 de la série Esteban de Mathieu Bonhomme, mais tout de même, donc, les jeunes membres du jury ont estimé que l'ouvrage de Michel Falardeau méritait tout de même une mention, et donc ce qui a mené au prix coup de cœur. Et voilà, on entend un extrait de l'album Good Luck de la formation Robot Science. C'est notre sélection musicale pour cette semaine. Et comme d'habitude, toujours des pièces et des albums disponibles en téléchargement. Et c'est cette semaine du côté du site Bandcamp. Petit commentaire BD avant de se diriger vers d'autres cieux, puisqu'il faut quand même que je descende également ma pile de lecture. Petite note, en fait, une série dont j'ai bien apprécié la prémisse, le développement. Bon, c'est le défaut parfois d'un premier tome, on établit beaucoup les bases de l'univers et où, au bout du compte, l'intrigue progresse peu. Mais par contre, l'univers qu'on établit est pas inintéressant d'un point de vue philosophique. Alors, je me suis dit, ben, pourquoi pas le mentionner au passage. Il s'agit de la série Human Stock Exchange, de Xavier Dorison au scénario. Donc, une série qui nous amène dans un univers où il y a une crise économique et il y a toujours une crise économique terrible et où les gens font ce qu'ils peuvent pour réussir à s'en sortir et où on a décidé d'institutionnaliser, entre guillemets, un système qui, dit-on, existe déjà un peu. Donc, l'idée de coter des célébrités, de coter des joueurs, de donner une valeur à des individus. Donc, ce qu'on dit, c'est essentiellement si on faisait une bourse humaine en plus d'une bourse des entreprises où on demande, ben, donc, aux humains de bonifier bonifier leur performance, de bonifier leur statut social au terme d'une année de travail, ben, d'avoir un meilleur emploi, d'avoir des meilleures conditions de vie, etc., etc. Et que les gens misent, dans le fond, un peu sur le succès de cette personne-là et lui donnent de facto, un peu comme ça se fait déjà pour les entreprises aujourd'hui, donc lui donnent des sous qui deviennent un capital d'investissement qu'il pourra par la suite faire fructifier. Alors, on suit l'histoire d'un type ordinaire qui réussit par différents détours de circonstances à se faire inscrire en bourse, et on voit les changements que cette inscription-là amène à sa vie et les pressions également que ça intègre à son existence et sa réaction également face à tout ça. Donc, vraiment une prémisse où on a envie de voir le deuxième tome maintenant pour voir qu'est-ce qui va lui arriver et voir l'intrigue s'installer. C'est peut-être le principal défaut de ce tome 1-là. On comprend trop de temps pour établir l'univers, mais l'univers lui-même est intéressant et c'est exposé quand même de manière logique, si ce reste non spectaculaire, cela dit. Donc, si jamais l'histoire vous intéresse, moi je dirais peut-être attendez le deuxième tome, on verra si ça vaut la peine, si la suite en vaut la peine, mais sinon, dans le fond, il y a des questions intéressantes qui sont soulevées dans cet album-là, Human Stock Exchange tome 1, c'est chez Dargo. Et nous, on repart en musique et au retour, on jase avec Frédéric Gauthier. Et voilà, toujours sur les ondes de CKRL 89.1, autre petit extrait donc de l'album Robot Science. Cette pièce s'appelle Fog. Et maintenant, on a le plaisir d'être en compagnie au bout du fil du cofondateur des éditions La Pastèque, Frédéric Gauthier. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes de retour d'Angoulême, spécifions-le, où certains de vos auteurs étaient présents. Je pense tout particulièrement à Pierre Fournier, à Réal Godbout, les auteurs de Red Ketchup. Alors, ça s'est bien passé là-bas? Oui, très bien. C'était une belle édition. Et puis, justement, Pierre et Réal ont vécu un retour à Angoulême après presque 25 ans, assez prestigieux. On a eu la chance d'avoir une belle double page dans le cahier Angoulême du journal Libération. C'était tout à fait étonnant. Donc, ça a donné du tonus là à l'expérience de Réal et Pierre. Et puis, il y a eu plein de gens qui sont venus grâce à cet article-là. Donc, c'était une très belle édition. Oui, parce que souvent, en fait, de loin comme ça, on a de la difficulté à se figurer la place que des auteurs québécois peuvent prendre et que des séries, quand même, qui sont fondamentalement québécoises, comme Red Ketchup, par exemple, c'est une institution ici, mais quel regard on porte en France sur un produit comme celui-là? Donc, un regard assez positif de ce que j'en comprends. Ben oui, mais ce qui arrive avec Red Ketchup, c'est assez particulier parce que malgré qu'il y a eu des éditions de Dargo dans les années 90, il n'y avait jamais eu de pérennité ou de suivi sur cette série-là. Et quand on a ressorti les albums à l'unité qui ont été diffusés en France, on sentait pas d'engouement ou de suivi. Mais toutes les choses ont changé depuis que l'intégrale est parue, sortie à l'automne en France. Et on dirait que ça a comme éveillé les Français, les médias, puis les libraires à la portée de l'œuvre de Pierre et Réal, donc à Red Ketchup comme tel. Et puis, on sent qu'avec l'intégrale, ils ont un outil en main pour mieux faire connaître le personnage puis la série. Mmh. Et en même temps, quand on la lit, on dirait que, en fait, il faut retourner aux albums pour dépasser un peu les souvenirs qu'on en a et se rendre compte que c'est une série qui est dehors assez violente, assez sanglante pour l'époque, j'ai l'impression. Et en même temps, ça nous fait prendre conscience à quel point aussi c'est vraiment une satire de la violence gratuite de la droite américaine sur Reagan. Je veux dire, il y a beaucoup de belles dimensions là-dedans et de dimensions surprenantes aussi. Oui, tout à fait. Puis les articles qui sont parus constatent de façon très positive là, le regard très accru et même actuel là, de l'œuvre de Pierre Réal, même 30 ans après le début de la publication. Donc moi, on était un peu surpris là, de l'attitude des médias qui étaient complètement emballés par la série. Puis il y a eu des belles entrevues. On va voir ça sortir dans les médias prochainement. Donc, vraiment, Pierre et Al ont été comme un peu sur un nuage dans cette édition-là. Et qu'est-ce qui avait fait, au départ, du côté de la Pastèque, justement, fait prendre la décision de, finalement, les rééditer? Parce que j'ai l'impression que beaucoup en avaient parlé au fil des années, disant, bon, OK, il faudrait essayer de relancer, de faire reparaître les Red Ketchup. Mais c'est vous qui avez éventuellement passé de la parole aux actes et pas d'autres. Qu'est-ce qui avait fait faire ce saut-là, au départ? Ben, il y a toujours eu un constat très fort de moi et Martin aux éditions de la Pastèque de remettre à jour ou de rendre disponible le patrimoine de la bande dessinée québécoise. On avait essayé à l'époque là plus avec le livre de Jacques Gagné, qui était un travail plus des années 50 qu'on a remis en édition. Ça, c'était un peu plus difficile, probablement qu'on l'a pas bien fait à l'époque. Mais on apprenait un peu sur le tas aussi. Et puis, on a décidé d'aller vers une œuvre un peu plus marquante. On a commencé aussi avec Émile Chevrier, mm-hmm. Il faut dire. Et puis, je pense que la relation de confiance s'est bâtie avec Pierre Réal qui, en nous rencontrant, ont bien vu là, que les choses allaient se faire à leur goût. Et puis, nous, on avait envie là, de s'investir puis de faire les choses de bonne façon. Puis, je pense que ce qu'on a réalisé aussi, c'est qu'en arrivant, en prenant le choix de faire un intégral, c'est parce que le milieu en édition présentement, que même au Québec, c'est peut-être un peu moins criant, mais en France, il y a une surproduction. Donc, les livres ont beaucoup de difficultés à trouver une place en librairie, puis comme les libraires tiennent de moins en moins de fonds à un outil comme les intégrales, ça donne une pérennité à plus long terme à une œuvre comme Red Ketchup. Oui, puis j'ai l'impression que ça aide aussi à prendre conscience justement de l'héritage que cette série-là a laissé, puis l'occasion des tentants aussi, j'imagine, était une belle opportunité pour relancer ça sous justement ce nouveau jour qui nous permet vraiment de plonger à pieds joints dans la série, dans un contexte qui est propice aussi à ça. Ben, tout à fait. Puis évidemment, comme vous dites, les 30 ans a été une belle excuse pour faire du bruit autour de ça. Et puis je pense aussi ce qui est plaisant de voir, c'est à quel point ça rend heureux là Pierre et Réal. Puis ce qu'on a annoncé un petit peu là, en dilettante là, sur notre page Facebook durant le festival, on peut nettement le confirmer là qu'ils vont terminer le 9e album qui n'aurait jamais été terminé. Donc on sent qu'ils veulent continuer. Je ne pense pas qu'il y aura un 10e après, mais au moins de mener à terme là, ce qui était entamé, puis de clore le 3e intégral qui aurait été, si on veut, un peu moins complet que les autres, puis de donner un petit peu côté exclusif puis plus actuel là, à l'œuvre 30 ans plus tard. Et de quelle manière, justement, ils pensent intégrer un côté plus actuel? Est-ce que c'est dans le choix des thématiques, dans l'environnement dans lequel on va se retrouver? Est-ce que vous avez déjà, en tant qu'éditeur, eu des petits avant-goûts, si on peut dire? Pas tellement, parce que c'était plus une décision là sur place, parce que l'histoire est déjà entamée, est à moitié publiée, dessinée et tout. Je pense qu'ils vont seulement poursuivre le récit comme tel, mais peut-être qu'il y aurait des éléments là plus modernes qui vont prendre place, mais on n'est pas rentré dans l'histoire comme tel. Et vous, en tant qu'éditeur, qu'est-ce qui vous accroche dans une série comme Red Ketchup? Qu'est-ce qui vous donne envie de la lire? Puis évidemment, parce que j'imagine, si on choisit de la distribuer, de l'éditer, c'est parce qu'on aime la lire au départ. Ben effectivement, c'est une passion totale. Et ben juste les histoires, le côté iconoclaste du personnage et son humour très particulier aussi. Je veux dire, c'est un personnage qui, si on s'en rend bien compte là, depuis qu'on a réédité ça, on le voit dans les salons du livre, la réaction est immédiate, les gens ont été marqués totalement par ce personnage-là. Et ça vient intrinsèquement là, de la qualité des récits puis de l'humour, des rebondissements nombreux là, dans l'histoire. Donc je pense qu'il y a une force qui est présente, et puis c'est juste un plaisir immense de pouvoir éditer ces livres-là. Et Frédéric Gauthier, vous avez mentionné en début d'entretien que vous aviez eu une belle visibilité dans les médias, notamment une belle attention du public présent à Angoulême autour donc de l'intégrale Red Ketchup. On peut penser aussi en 2010, l'année où Paul avait eu Michel Rabagliati, donc un prix, une reconnaissance. Donc j'imagine que c'est des éléments comme ça qui aussi rentabilisent doublement une présence à Angoulême. C'est des reconnaissances ou des visibilités qui doivent vous ouvrir des portes aussi comme éditeur côté distribution, notamment dans l'écosystème européen. Oui, ben, effectivement, on peut pas nier que l'impact de ces prix-là ou de cette notoriété qui est acquise durant le festival nous aide beaucoup. Cependant, il faut dire que c'est un travail de terrain annuel. Faut être présent en France et sur toute l'année, pas juste à Angoulême. Puis on s'en rend bien compte, nous, ça fait depuis qu'on existe, là, ça va faire bientôt 15 ans qu'on est distribué en France. Et à travers les années, on s'est bien rendu compte là, que ça prenait une présence active. Puis nous, depuis peut-être un an maintenant, on a un employé à temps plein en France qui nous permet d'exister et d'être présent à plus de festivals. Et donc, ça nous aide aussi à acquérir cette notoriété-là, parce que c'est une chose d'avoir une double page dans l'idée, mais c'est une autre de l'obtenir. Donc, c'est vraiment énormément de travail de représentation, de suivi. C'est vraiment, moi je pense que c'est une présence continue sur le terrain à l'année longue. C'est-à-dire qu'Angoulême, c'est un rendez-vous immanquable. C'est comme le pivot qui lance l'année pour la production annuelle et qui lance un petit peu l'année aussi pour notre présence en France. Mais après, il faut qu'on suive ça dans la foulée de plusieurs autres festivals, de tournées d'auteurs. Michel Rabagliati retourne en avril au Festival Escale à Bordeaux. Il y a d'autres auteurs qui vont être présents constamment, donc c'est vraiment là, c'est doubler là, le travail qu'on fait ici au Québec, puis de le remettre en place en France. Donc ça prend une machine là, pour arriver à tirer son épingle du jeu, si on veut, là-bas. Oui, parce que l'écosystème européen est quand même extrêmement chargé. Il y a, je pense, plus de 300 petits et grands éditeurs. Et en même temps, c'est un marché aussi qui est dominé par quatre grands groupes qui ont le gros des ventes. Donc, le marché est très compétitif et on pourrait dire qu'il est quand même assez différent aussi du marché québécois en termes de ventes, mais en termes de quantité d'albums disponibles. Oui, ben tout à fait. C'est deux écosystèmes totalement différents. Puis aussi la réalité des libraires ici et là-bas, c'est deux mondes totalement. En fait, il y a une dichotomie totale dans le rôle d'un libraire, parce que si on se met à la place d'un libraire français où il y a 5500 nouveautés de bande dessinée par année qui sortent, ça fait 15 nouveaux livres qui rentrent dans ta librairie à tous les jours de l'année. Ça finit par être que de la gestion de nouveautés, de l'espace constamment. Et donc, le fond a complètement ou tranquillement disparu des librairies françaises. Alors qu'ici, même si on reçoit une bonne partie de ces nouveautés-là au Québec, les libraires ont pris un choix il y a quelques années d'appuyer là, le travail des éditeurs québécois, des auteurs québécois. Donc, il y a toujours une belle mise en place qui est là pour appuyer les éditeurs québécois, puis notre production, qui est toujours mis de l'avant comme ça. Mmh. Et donc ça nous aide beaucoup. Puis je pense qu'il y a un effort aussi des libraires ici pour être peut-être un petit peu plus sélectif dans ce qui arrive en termes de nouveautés. Puis je pense qu'on sent l'importance ici de tenir le fond. C'est encore possible de trouver des séries là, complètes en librairie, même dans les grandes chaînes, puis chez les petits libraires, alors qu'en France, là, c'est devenu complètement autre chose. Et en même temps, est-ce qu'il y a un changement qui est amorcé aussi? Je pense par exemple à des maisons d'édition, bon, Delcourt qui a commencé à intégrer beaucoup d'auteurs québécois, en fait Jimmy Beaulieu qui a publié Loz, Viane, Iris et d'autres. Il y a aussi Cornelius, je pense qui a commencé à se lancer dans la traduction, qui intègre aussi des œuvres canadiennes anglaises d'auteurs qui étaient dans votre écurie aussi en partie, je pense à Chester Brown. Est-ce que ça change un peu la donne? Est-ce que c'est des nouveaux compétiteurs, entre guillemets, que ce soit dans le recrutement d'auteurs ou dans la diffusion de ces auteurs-là outre-mer? Ben forcément, d'une certaine façon. C'est-à-dire que si on prend le cas de Chester Brown, lui est plus lié à un phénomène qui est assez criant là, depuis quelques années, c'est-à-dire tout ce qui est achat de droits, tout ce qui est production, soit américaine, ou dans le cas de Drone Quarterly, c'est montréalais, c'est canadien, où là, il y a une espèce d'effervescence de petits éditeurs, et même Cornelius en fait partie, qui bâtissent principalement leur catalogue sur des traductions. Si on prend, il y a, au-delà de Cornelius, il y a Cambourakis, il y a Ça et là, où c'est que de l'achat-bois. Il n'y a pratiquement aucun auteur français dans leur écurie. Ils se sont bâtis sur des achats-bois. Donc, c'est devenu très, très, très compétitif, même très difficile d'acquérir les droits d'une œuvre de Chester Brown, même si on est dans la même ville que son éditeur en langue originale, parce qu'ils reçoivent énormément d'offres, donc ça, le marché est très compétitif. Alors que les auteurs québécois, comme Jimmy, Zian, Iris et tout ça, eux, ils font partie d'un nouvel écosystème, à mon avis, dans la relève, où ils ont une vie, une présence numérique là sur Internet, où ils bâtissent un réseau qui est très, très large, et donc c'est facile pour quelqu'un chez Delcourt, en l'occurrence pour à peu près sur les livres qui ont été publiés chez Delcourt, qui est origine de la collection Shampoing, qui est dirigée par Lewis Trondheim, qui est quelqu'un qui a une antenne ouverte, qui collabore beaucoup sur Internet, qui est ouvert à tout. Donc maintenant, les auteurs ont plus de façons de se faire connaître à l'étranger. Donc, à ce niveau-là, c'est une forme de compétition. C'est plus sain, je trouve, que quand même que le volet des achats de droits, mais c'est deux volets bien différents. Oui, et même au Québec aussi, où, je pense, voyant notamment le succès de séries comme Paul, ça a entraîné aussi d'autres éditeurs à essayer de se lancer dans la production de romans BD, de romans graphiques ou indépendamment de l'appellation. Mais on pense, par exemple, Alto avec Dragon Bleu, entre autres, Les Intouchables, Michel Brûlé, Michel Lafond. Donc, il y a de plus en plus d'éditeurs qui consacrent une petite partie de leur production à la BD. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir entraîné un peu un mouvement et d'en subir peut-être aussi les contre-coups par après? Ben, je dirais pas que c'est nous qui avons entraîné ce mouvement-là. De ce que j'en comprends aussi, souvent, c'est des projets qui sont présentés là à l'unité ou de façon exceptionnelle à ces éditeurs-là. Dans le cas, par exemple, du Dragon Bleu, nous, on avait été approchés aussi, mais on trouvait que ce projet-là nous ressemblait pas. Puis il y a plein d'éléments qui ont facilité les choses avec Alto, le financement de la Ville de Québec et tout ça, le rapprochement avec Robert Lepage. Puis moi, je trouve ça tout à fait très intéressant de voir qu'il y a des livres qui sont publiés ailleurs. Mais moi, ce que je trouve moins sain, si on veut, c'est de voir une grande structure éditoriale analyser le marché, parce que ça vient un peu de là aussi. C'est-à-dire que la bande dessinée est probablement le seul créneau en édition qui a une croissance soutenue depuis plusieurs années. Fait qu'évidemment, un groupe va faire une analyse tout à fait banal là, des chiffres, puis va dire « Ah, ben, c'est la bande dessinée qui est en croissance en librairie, on va se mettre à faire de la bande dessinée. » C'est quasiment une décision, si on veut, structurelle plutôt que vraiment qualitative. Là. Frédéric Gauthier, vous avez ouvert plusieurs portes de réflexion et de regard. Vous restez avec nous, évidemment. Donc, je rappelle Frédéric Gauthier, qui est éditeur, qui est cofondateur des éditions La Pastèque. On prend une courte pause, un petit 2 minutes. On revient tout de suite après. Un spectacle unique en son genre. De l'improvisation théâtrale avec un allié de taille, le dessin. C'est l'Impro BD. À la Ligue québécoise d'impro BD, auteurs de bandes dessinées et comédiens s'unissent pour offrir une soirée haute en couleurs. Prochaine rencontre le dimanche 24 février, 20h, au Cercle. Entrée libre, contribution volontaire. Initiée par le Festival de la bande dessinée francophone de Québec, les soirées de la Ligue québécoise d'impro BD sont présentées en partenariat avec le Cercle et CKRL. Dessin, jeux, musique, un événement hors du commun. Le 22 février à 20h, le Palais Montcalm vous offre le meilleur de la musique percussive avec Scrap Arts Music. Assister à une prestation spectaculaire et 100% écolo. Souvent comparé à Stomp, les 5 percussionnistes de Scrap Arts Music jouent avec des instruments de matériaux recyclés. Une performance percutante à ne pas manquer. Le 22 février, vivez la musique à son meilleur avec Scrap Arts Music. Détails au palaismontcalm.ca. Aimez-vous les sujets suivants? Le cinéma, la musique, les jeux vidéo, les animés, les séries télé, les mangas, l'internet en général, les gadgets techno, les dragons, les ninjas, les lasers, les pieuvres, les ninjas chevauchant des dragons pieuvres armés de lasers. Eh bien, réjouissez-vous! Les Geeks Contre-Attaque aiment aussi beaucoup ces sujets. Ils les aiment tellement qu'ils vous en parlent tous les dimanches de midi à 13h. Une heure de culture geek, d'actualité pertinente et de sens de l'humour questionnable seulement sur les ondes de CKRL 89.1. Quoi demander de plus? Hein? On peut se demander quoi de plus? Salut tout le monde, c'est Antoine Graton. Je vous invite le 15 février à l'espace Hyperion pour célébrer avec moi le 40e anniversaire de CKRL, la première radio communautaire francophone au pays. J'offrirai une prestation musicale démoniaque et mon ami Dee sera DJ pour la fin de soirée. Je vous attends. Procurez-vous les billets pour cette soirée retrouvaille au coût de $10 par PayPal sur notre site ckrl.qc.ca ou à la station au 405 3e Avenue. Venez fêter le 40e anniversaire de CKRL avec nous. Toujours à l'antenne de CKRL, vous écoutez La Vie en BD. Je vous rappelle d'ailleurs, vous pouvez nous suivre sur Facebook, donc facebook.com/ La Vie en BD. Également deux blogs, laviebd.wordpress.com pour les podcasts des émissions et voir.ca/Raymond-Poirier pour les opinions, les regards, les perspectives de l'animateur. Alors, on est toujours en compagnie de Frédéric Gauthier, donc cofondateur des éditions La Pastèque. Petit regard sur différents projets. Et Frédéric, vous avez mentionné tout à l'heure justement que il y a une question aussi de choix de sélection de livres qui vous ressemblent à La Pastèque. Justement, qu'est-ce qui fait qu'on va choisir, qu'on va préconiser un auteur plutôt qu'un autre? Qu'est-ce qui fait qu'un livre justement va ressembler un peu à ce que vous essayez de mettre de l'avant du côté de La Pastèque? Ben, je pense que c'est une question de sensibilité au niveau de moi et Martin en termes de comité éditorial. C'est difficile de vraiment mettre les mots justes là-dessus, mais le plus simple pour le dire, c'est vraiment quand on reçoit un projet ou quand on voit un projet, on le sait à peu près immédiatement si ça va être bien pour La Pastèque ou pas. Et comme je veux dire, après 15 ans, la question se pose plus ou moins longuement, si on veut. Après, évidemment, il y a toute la question du récit qui est très, très importante, ce qui est raconté, le sujet et tout ça. Je pense qu'on travaille plus sur des récits plus personnels. Mais on est quand même ouvert, on a ouvert une brèche là dans les dernières années sur des récits de guerre. Il y a une espèce de mini-catalogue qui s'est bâti dans cette faction-là. Mais en même temps, il y a toujours une sensibilité graphique et narrative, et je pense que on pourra dire que ça s'explique comme ça un petit peu ce qui va bien à La Pastèque. Et est-ce qu'on a l'impression, avec justement le succès de séries qui peuvent agir un peu comme des locomotives, je pense par exemple à un Paul qui vend quand même bien, qui a une belle réception, est-ce que ça vous permet aussi en tant qu'éditeur de dire, ben comme j'ai des séries qui marchent bien, je peux prendre des risques sur des projets justement plus personnels, voire même carrément expérimentaux? On peut penser à des trucs comme Morlaq de Liv Tand, Pascal Blanchet par exemple, ses ouvrages hybrides, ou même Le Trou de Jean-Paul Haidt, qui était quand même un pari impossible au départ. Ben oui, tout à fait. Je pense que à peu près tout éditeur bâtit sa production en trouvant un équilibre comme ça. Évidemment, dans notre cas, d'avoir une série Paul qui est notre locomotive, mais en fait, on peut dire aussi que les Red Ketchup, c'est devenu une bonne base aussi. Mais ça nous permet de prendre des risques, effectivement. Mais en même temps, je pense que c'est dans la nature même de notre maison d'édition d'aimer prendre des risques, d'essayer des nouvelles choses en édition. Puis ça, on l'a pris ces risques-là, on a commencé à faire ces projets-là un peu casse-gueule, même avant que les pôles deviennent une locomotive. Si on prend le cas de L'Appareil, qui est notre livre de recettes, où on a jumelé des chefs et des BDistes, c'était en 2005. La maison d'édition était jeune et on a littéralement mis en jeu l'avenir de notre maison d'édition dans ce projet de livre-là auquel on croyait beaucoup. Et puis, depuis, on a toujours naturellement été porté, quand une bonne idée, un bon projet nous est présenté, à y aller, à foncer tête première, parce qu'on sent que si on veut, les gens sont prêts à nous suivre là-dedans. Donc, on a développé cette relation de proximité avec notre lectorat, et on sent une confiance pour nous suivre un petit peu, même dans les projets les plus fous. Si on prend l'Eftan avec L'Origine de la vie, puis Morlaq, et puis tous les projets qu'on a édités de certains autres auteurs, on a toujours senti un appui indéfectible de notre lectorat. Puis je pense que ça nous a aussi aidé à bâtir une espèce de notoriété en librairie, où malgré le fait que le projet pouvait sembler un petit peu expérimental, mais il y avait un fondement derrière, puis il y avait une façon de faire le livre comme tel qui allait donner une belle vie en librairie là, à ce projet-là. Oui, puis en même temps, j'imagine aussi un peu, vous êtes lecteur comme nous, et donc il y a un plaisir aussi à voir justement un auteur s'amuser, par exemple avec les conventions du genre, expérimenter, pousser la BD peut-être un peu plus loin que ce qu'on est habitué de voir. Bah, tout à fait. Je veux dire, même avant qu'on crée la maison d'édition, on était des passionnés de tout ce qui était lié à Loubapo avec l'ouvrage de bande dessinée potentielle qui avait été créé au sein de l'association. Ça nous avait toujours excité, cette façon de travailler des contraintes, puis de justement d'ouvrir les portes, de réécrire le langage de bande dessinée. Puis on a la chance, nous, au Québec, d'avoir des auteurs qui ont beaucoup de talent, Lestang, Jean-Paul Aide, qui ont toujours travaillé dans ces girons-là, puis on trouve ça important que leur aventure narrative ou de création soit mise en papier, parce que c'est des œuvres importantes. Et parallèlement, Frédéric Gauthier, l'année dernière, je pense, ça a été quand même assez faste aussi pour vous, certes au niveau des publications, mais également, je pense par exemple à Jane Le Renard et moi, de Fanny Britt, Isabelle Arsenault, autour duquel il y a eu quand même l'été dernier, je crois, une bonne montée des enchères au niveau des droits de traduction, et c'est pas quelque chose qui arrivait régulièrement jusqu'à présent, c'est assez exceptionnel. Là. Oui, tout à fait. Ben, en fait, ce qui se passe un petit peu à ce niveau-là, c'est que depuis plusieurs années déjà, on est impliqué dans le réseau des ventes de droits en termes de bande dessinée. Mais depuis un an, on a commencé une production jeunesse qui, malgré que Jane Le Renard et moi sont une bande dessinée, mais ça s'adresse à un public, disons, le public cible plus les adolescents, ça nous ouvre les portes à recevoir de l'intérêt d'éditeurs jeunesse de poids, si on veut, soit au Canada anglais ou aux États-Unis. Donc, on se rend compte que le marché des droits étrangers, plus lié au monde de la jeunesse, est totalement différent. C'est un autre monde où il y a beaucoup plus d'intérêt pour ce qu'on fait, de la façon qu'on fait les livres, les récits ou les styles graphiques qu'on met de l'avant. C'est un peu très rafraîchissant pour nous parce qu'en bande dessinée, évidemment, comme ça fait plusieurs années qu'on édite et qu'on connaît à peu près tous les éditeurs espagnols, hollandais, allemands, italiens, ça reste des petits marchés niches là, dans chaque pays. Alors qu'en jeunesse, c'est beaucoup plus vaste, c'est plus large, il y a plus de moyens et c'est plus étendu de façon internationale. Donc, à ce niveau-là, c'est très rafraîchissant. Donc, ce qui s'est passé avec Jane, c'est assez exceptionnel. Et puis, d'ailleurs, là, à Angoulême, on en arrive. Et Jane a été vendue en Espagne. Et bon, on attend des nouvelles pour l'Allemagne. Donc, ça regarde très bien pour ce livre-là qui va avoir une vie internationale très large. Donc on pourrait imaginer dans le fond une vie de traduction équivalente à certains Paul peut-être et d'autres des gros succès ou des titres qui ont beaucoup voyagé dans le fond de votre côté. Oui, ben en fait pour nous c'est toujours une plus-value. Puis je trouve que c'est aussi juste logique que des œuvres qui ont une portée internationale, en fait qui ont un récit universel comme ça puissent traverser les frontières puis être traduit en plusieurs langues, des œuvres de qualité, ça mérite d'être vu partout sur la planète. Et parallèlement, en fait, vous avez mentionné justement l'intérêt de la zone jeunesse, de la tranche jeunesse. Et est-ce que c'est justement cette demande-là qui vous a amené aussi, je pense, c'est l'année dernière, à ressusciter la collection Pamplemousse? Oui. En fait, non, c'est pas tout à fait lié à cet intérêt en termes de vente de droits. C'est plus vraiment une volonté très personnelle de nous, à la Pastèque. Ça faisait, on avait déjà fait quelques petits livres jeunesse, les Pamplemousses en plus petit format, efféminés là à travers les dernières années. Mais on n'avait été jamais satisfait de comme l'expérience qu'on avait eue en librairie, le format et tout. Et tout avait pas été très bien fait là-dedans. Donc, on a pris une pause, puis on s'est donné quelques années de réflexion pour arriver à ce qui est maintenant la collection Pamplemousse, qui commençait à réapparaître l'année passée. Puis il y a une convergence aussi de projets qui nous est apparu ou qui nous a été présenté dans la dernière année, qui amène cette effervescence dans la production jeunesse. Puis ça nous ouvre de nouvelles portes. Ça nous permet de collaborer avec des gens qu'on n'aurait pas pu travailler en bande dessinée. Et peut-être qu'il y aura une espèce de décloisonnement entre les styles aussi. Des gens qui vont commencer par un projet Pamplemousse vont peut-être aller faire une bande dessinée après, et ainsi de suite. Donc, nous, on trouve ça très, très, très excitant. Puis la réaction, la réception en librairie ici et en France est très positive. Vraiment, là, on trouve ça super encourageant. Puis on poursuit là-dessus. Et en terminant, Frédéric Gauthier, enfin, on va s'en garder un peu pour d'autres discussions en cours de route. Mais qu'est-ce qui s'en vient de votre côté, notamment? Il y a l'Amérique qui s'en vient de Réal Godbout, nouvelle production. C'est votre prochain gros titre là, dont on aura sûrement l'occasion de parler ici. Tout à fait. Ouais, ça, c'est un peu le titre le plus important dans les prochains mois. Il y a aussi l'article est prévert de Benjamin Adam, qui est un jeune auteur français qui sort en France ces jours-ci, qui va sortir au Québec début mars. qui est un livre qui devrait avoir devrait étonner plusieurs personnes. Et donc il y a plusieurs autres projets en cours là pour le printemps. Puis en fait là, ce qui s'en vient pour nous, et puis je vous en parle, mais je vais être obligé de rester évasif, mais c'est notre année qui va nous mener à notre 15e anniversaire à l'automne. Et ça fait 3 ans qu'on travaille sur ce projet-là. Et il y aura des annonces là prochainement là, là-dessus, mais c'est vraiment là-dessus qu'on travaille présentement. Alors, ben, quand je disais on s'en garde, vous vous en gardez aussi, donc on devra se reparler. Frédéric Gauthier, donc cofondateur de La Pastèque, merci. Merci à vous. Et à la prochaine. Au revoir. Voilà, donc je rappelle Frédéric Gauthier, donc cofondateur des éditions La Pastèque, petit regard donc sur ce qui s'est passé dans les derniers mois, sur ce qui s'en vient, petit regard sur la maison d'édition. Je vous rappelle en fait lapastèque.com si vous ne le saviez pas déjà. On s'en va en musique et au retour on jase mise en scène de BD avec Michel Giguère et en musique un dernier extrait donc de Robot Science tiré de leur album Good Luck and Now You Know. Sur l'écoute de la vie en BD et on termine l'émission avec Michel Giguère. Et Michel, bonjour. Bonjour Raymond. Alors on te rencontre comme à l'habitude toujours en amont des rendez-vous de la BD. Le prochain rendez-vous est le mercredi 13 février prochain à 19h à la bibliothèque Gabriel Leroy. Toujours une occasion de jaser, d'entendre, de réfléchir à la bande dessinée avec illustration derrière, planche sur écran, etc., etc. Et un peu de frais parce que c'est gratuit. Exactement. Et comme à l'habitude, on aime bien ici à l'émission mettre la table vers la prochaine rencontre. Et la prochaine rencontre s'appelle « Pourquoi on embarque ?» Deuxième partie, mise en scène, mise en séquence. Et Michel, on dit deuxième partie, c'est donc dire que la présentation de mercredi prochain s'inscrit dans une continuité. Ouais, ben pour quelqu'un qui aurait assisté à la première partie, qui a eu lieu il y a exactement un an, en février 2012, ça va constituer une espèce de suite. Mais sinon, quelqu'un qui serait pas venu, ça dérange absolument pas, il sera pas perdu, il va tout comprendre. Et d'autant que je vais faire une espèce de récapitulatif au début, là. Et puis, en fait, ça s'inscrit même dans quelque chose de plus large, parce que au fil des années, j'ai toujours alterné d'abord les rencontres où il y a un thème avec les rencontres où il y a un invité, quoique depuis, je te dirais depuis peut-être un an ou deux, là, j'invite quelqu'un sur un thème, tu sais, fait que là, on a pour notre argent. Et puis, sinon, j'alterne aussi des thèmes plus ludiques avec des thèmes un peu plus techniques ou qui vont plus dans l'analyse. Et puis, c'est un pari, c'est comme un défi. Et puis, ma foi, ben, parmi ces rencontres-là plus techniques, ben, justement, il y en a eu une qui portait sur le rythme et où on se trouvait donc à parler du découpage, le fait de découper l'action en un certain nombre d'images. Une autre fois, on a parlé, ça s'appelait de la BD à la planche, et puis là, on a parlé de la mise en page. Donc, là, t'as mise en scène, mise en page, découpage, ben c'est les trois grands procédés qui constituent les fondements de la bande dessinée elle-même. Et j'imagine en fait, Michel, on est à fond dans la technique de la BD. Ouais. C'est, ben, je disais tantôt que c'était un défi, c'est en même temps c'est un pari. Est-ce que les gens vont suivre? Et puis je te dirais que ça m'enthousiasme pas mal et ça m'encourage à continuer parce que depuis le début en 2005, à chaque fois que j'ai eu des thèmes plus techniques comme ça, les gens embarquent, les gens sont réceptifs parce que on les forme, j'imagine, au langage. Ouais, absolument. Et puis, garde juste pour te dire, en février 2012, je trouvais justement que peut-être ça pourrait paraître un peu rébarbatif aux gens en général, tu sais, des lecteurs moyens. Puis, ben, il y avait au-dessus de 50 personnes dans la salle. Alors, j'étais agréablement surpris là. Et puis en fait, là, si tu veux, l'image que je donne des fois là, c'est que j'invite vraiment les gens presque à se mettre un casque de mineur sur la tête avec la lampe en avant là, puis leur dire venez, venez avec moi, on va descendre dans les fondements, dans le cœur même du médium. Mm-hmm. Et puis là, les gens, ils se trouvent à venir comme en coulisses voir comment ça fonctionne. Puis c'est d'où le titre, pourquoi on embarque. Exactement, de réussir un peu de décoder entre guillemets le langage de la BD, de mieux comprendre, ben dans le fond, de mieux comprendre pourquoi on embarque. Je pense que le titre est bien dit. Là, ouais, parce que oui, on embarque, puis oui, les gens, à force de lire de la bande dessinée, on développe des espèces de facultés à bien décoder les images et à lire à la fois le texte et l'image, comme on sait, les deux se lisent. Et puis, ben, c'est un petit peu comme on embarque dans un bon film. Puis c'est rare qu'on se pose des questions et c'est surtout rare qu'on a des occasions justement de discuter ou d'entendre parler, exemple à l'appui, de justement des ficelles et de l'espèce de mécanique qui fait qu'on rit, qu'on se ronge les ongles ou qu'on a peur. Ou... Oui, parce que Michel Giguère, en fait, tu fais des interventions justement dans des écoles, dans des colloques, dans des formations, mais c'est assez rare, j'imagine, qu'on peut prendre une heure et demie pour décortiquer autant un aspect, dans le fond, de la bande dessinée. Ça, c'est une belle occasion aussi pour le puis pour toi, ah oui, sérieux. Même dans mes sessions de cours là, qui s'échelonnent sur plusieurs semaines, je vais pas aussi loin. Il y a même des fois des invités du Québec ou d'Europe qui viennent et qui, une fois l'entretien terminé, me disent que sont assez surpris là, qu'ils ont rarement vu ça là, d'aller si loin devant un public qui est à la fois captif et très attentif. Et écoute, je pense pas me tromper en disant qu'ils nous suivent là. Et Michel, si on parle spécifiquement du thème de mercredi, bon, mise en scène, on sait qu'il y en a évidemment au cinéma, la réalisation, au théâtre, mise en scène explicitement. Aussi, ouais. En BD, si on avait justement, on a donné déjà quelques indices, mais si on se lance un peu dans la définition, qu'est-ce que c'est la mise en scène en BD? Ben écoute, je vais en parler pendant 2 heures l'autre soir, puis c'est une deuxième partie. T'sais, fait que tu sais, il y a tellement à dire et à montrer, parce que c'est tellement le fun d'avoir des... C'est un petit peu un handicap ce soir, t'sais, on n'a pas d'exemple à montrer aux gens. Mais disons, pour faire le parallèle, tu parlais de théâtre, si tu prends le début d'une scène classique en bande dessinée, où est-ce que tu as un plan plus d'ensemble, un plan plus général du lieu avec les personnages, et puis il peut y avoir éventuellement des déplacements, donc les personnages vont se déplacer d'une certaine manière, ça peut se comparer à une scène de théâtre. Sauf que dans le théâtre, dans la salle, chaque spectateur est assis sur un fauteuil et il ne bouge pas. Normalement, il ne bouge pas. Et il va voir toute la scène se passer de cet endroit-là. Alors qu'au cinéma et en bande dessinée, là, le parallèle peut se faire beaucoup plus profondément entre ces deux médiums-là, parce que à chaque image d'un film, à chaque seconde du film et à chaque case d'une bande dessinée, le raconteur, celui qui nous raconte la scène, va placer le lecteur ou le spectateur, il va le placer à chaque fois exactement à l'endroit où il veut. Il va l'asseoir, il va le mettre plus bas, il va le mettre plus haut, il va le mettre plus loin, plus près. Et puis là, ça devient d'une complexité qui, moi, m'emballe. Tu sais. Oui, ce qui fait que certains, quand on parle d'adaptation, par exemple, de BD au cinéma, où les gens disent, ah ben oui, en fait, dans le fond, la BD, c'est comme un peu un storyboard. Donc, il y a cette dimension cinématographique, mais c'est pas un storyboard non plus, la BD. Il y a une comparaison à faire, mais c'est pas un parallèle absolu non plus. Et c'est un parallèle intéressant, mais il y a autant de similitudes que de distinctions entre les deux. Ça pourrait faire l'objet d'une session de cours au complet, juste comparer le découpage d'une bande dessinée avec le storyboard d'un film. Et je trouve bien dommage qu'en France, surtout, le terme storyboard soit de plus en plus usité pour parler du débat. Traditionnellement, on parlait de découpage, là. Et parce que storyboard désignait avant cet outil de travail-là sur un plateau de tournage, où est-ce que tout le monde a une copie, là, de la scène qui va être tournée puis qui est dessinée case par case. Et puis, il y a plein de différences entre les deux. C'est pas la même chose. Et, c'est ça. Mais le parallèle est vraiment intéressant, oui. Parce que dans le fond, c'est l'idée de maximiser un peu, la case, son positionnement, sa composition pour réussir à atteindre l'objectif, dans le fond, que l'auteur, le BDiste, en tant que narrateur, se pose, est-ce qu'il veut émouvoir, faire réagir, intriguer, etc. Ben, dans la première partie, l'année dernière, on a parlé de l'image en soi. Puis c'est sûr que à chaque fois que tu vois le chef de la police, mettons Clint Eastwood, il sort du char de police, puis la caméra est à terre sur l'asphalte, puis là, il a l'air de dominer la situation, c'est classique. Mais ça marche tellement, tu sais. Puis de la même manière, si on le regarde de haut, ben on va sentir un poids, une espèce de vulnérabilité. Fait que ça imagine-toi maintenant que tu fais une succession d'images qui se suivent et il faut les articuler, ben là ça devient toute une grammaire, toute une espèce de d'alchimie entre oui, le texte et l'image, mais aussi des images qui se suivent. Alors ça prend des raccords, ça prend, il peut y avoir des fondus, il peut y avoir au contraire des brusques changements de plan et d'angle qui vont créer un rythme qui est tout à fait qui est tout à fait inventé, qui est créé toute pièce, parce qu'une bande dessinée, ça ne bouge absolument pas, là. Fait que donc c'est encore une fois, c'est assez complexe le rapport entre toutes les images qui suivent, et c'est ça qu'on va se plaire à voir. Mais en montrant les exemples, c'est sûr que les gens suivent, ils sont tellement familiers. Parce que là, on en parle comme ça, mais, mais nécessairement avec les images, c'est l'avantage et c'est l'arme secrète que tu vas avoir mercredi prochain, dans le fond, la possibilité de montrer les planches et ce qu'on dit présentement ici au micro à CKRL, ben on va le voir dans le fond et on voit beaucoup. Écoute, ça m'arrive des soirs là. Quand je suis un petit peu sur le pilote automatique là, puis qu'il y a une explication que je peux donner sans trop réfléchir, là, je me mets à observer les gens dans la salle, je vois presque toujours des visages qui fixent l'écran et qui regardent avec des grands yeux puis qui sourient, et je sens vraiment qu'ils ont comme une révélation du type ah ben c'est ben trop vrai, c'est comme ça et c'est pour ça que j'embarque, tu sais, c'est comme ça que ça fonctionne. Fait que oui, c'est parmi les choses qui me font penser que les gens ils suivent là-dedans. Là. Et j'ai bien aimé ce que tu as amené tantôt Michel dans la mesure où justement on peut prendre la mise en scène comme dans une case. Donc qu'est-ce qui fait que la case de manière autonome fonctionne, mais qu'est-ce qui fait aussi que la planche va fonctionner, c'est la relation entre les cases, et j'imagine qu'il y a de page en page comme ça dans le fond. Donc c'est vraiment c'est un ensemble d'éléments auxquels le BDiste doit penser pour réussir à créer son truc. Donc, il y a des relations entre tout ça. C'est une espèce d'échafaudage. Il y a des termes techniques dans certains ouvrages sur la bande dessinée qui ont été mis de l'avant pour désigner ces procédés-là de balayage, de maillage entre les images. Et puis, parfois, j'aime bien parler aussi d'un train où est-ce que si la locomotive part et que les wagons sont pas attachés ensemble, ça va pas loin, là. Alors, entre les cases, il y a ce qu'on appelle des raccords qui nous permettent de faire des liens puis de suivre le récit, l'intrigue ou la scène. Et c'est un défi pour le BDiste qui raconte. Il faut jamais qu'il prenne pour acquis que le lecteur va lire dans sa tête, là. Et le BDiste, en fait, a réfléchir d'abord et avant tout quand il transpose la scène en image, par des petits croquis sommairement esquissés, en combien d'images je vais raconter la scène et qu'est-ce que va représenter chaque image. Et puis, ce faisant, il décide qu'il y a des sauts dans le temps, il y a des ellipses à chaque fois que tu passes d'une case à l'autre, il y a toujours des ellipses. Il doit décider aussi ce qui se passe entre chaque image. Et il doit déterminer s'il se passe 5 secondes ou 5 minutes, et puis toujours se demander, est-ce que mon lecteur va me suivre là-dedans? Et puis, il lui donne des indices dans chaque image. Chaque image de BD, donc, idéalement, elle est parfaitement narrative. Il faut qu'elle soit très travaillée, très réfléchie, pour justement rendre le plus aisé et le plus naturel possible les sauts dans le temps entre chaque image. Fait qu'il faut donner des indices sans trop appuyer. Il faut que ça soit subtil. Il faut pas qu'on s'en rende compte. Mm-hmm. Alors moi, c'est sûr que je donne des exemples, là, je mets le doigt dessus. Mais quand on lit ça, il faut pas voir les ficelles. Sinon, on débarque. Oui, puis en même temps, il y a quand même un niveau de défi où il faut aussi qu'il réussisse, j'imagine, à se mettre dans la peau du lecteur, parce que l'œil, le regard va se porter, il va lire certaines bulles avant, en fonction aussi de certains caractères, du positionnement, etc., etc. Une planche bien construite, en fait, le BDiste, je dis BDiste parce que on sait jamais quelle part le scénariste prend à la mise en scène, on ne sait pas comment il travaille, il y a autant de méthodes de travail qui existent de tandem. Mais, je dis toujours que le BDiste nous prend pas par la main, mais il nous prend par les yeux. Et il nous promène. Il promène nos yeux. Et puis, c'est intéressant aussi de remarquer de quelle façon il nous fait circuler dans la page, dans quel sens. Des fois, ça peut faire des espèces de spirales, de zigzags, et puis, il nous promène dans une seule image et ensuite d'une image à l'autre, parfois avec des jeux de bulles. Et moi, je m'attriste parce que il se publie depuis des années, on le sait, ça va faire presque 20 ans qu'il y a une espèce de, pas d'inflation, mais il se publie de plus en plus de bandes dessinées en français. Et le marché s'élargit pas beaucoup, là. Et puis, il se produit, il faut le dire, beaucoup de trucs médiocres aussi. Il y a un travail d'éditeur qui se relâche un peu, là, tu sais, genre, on lance beaucoup, beaucoup de lignes à l'eau en espérant que ça va mordre à gauche ou à droite. Et puis, j'arrête pas de tomber sur des trucs mal racontés, mal mis en scène. Et mercredi soir, je vais montrer certains exemples de planches que moi je considère ratées, qui sont confuses, où est-ce que justement c'est pas fluide, l'œil a peine à savoir où il faut aller, ou alors l'œil naturellement va dans telle direction, fait tel circuit, et c'est pas ça qu'il fallait faire, c'est pas ça que le BDS veut, puis on vient tout mêler, les bulles sont mal placées. Des flèches pour qu'on suive. Là, entre les cases, entre les bulles, entre les personnages, oui. Donc, en fait, c'est intéressant, en fait, parce que des fois, pour comprendre pourquoi ça marche, faut voir aussi pourquoi ça marche pas. On a un peu les deux en parallèle aussi. On le voit jamais si bien. Tu vois, avec les enfants, comme j'ai jamais voulu parler juste des bonhommes à gros nez, je voulais parler des vraies affaires, puis j'ai cherché une façon pédagogique assez courte, là, pour que ça leur saute aux yeux. Fait que j'ai conçu sur un grand carton le pire fiasco de l'histoire de la bande dessinée. J'y ai placé, et ça fut tout un travail, le maximum de défauts possibles. Fait que là, les jeunes sont morts de rire, mais en même temps, ils voient ce qu'il faut pas faire, mais ils l'ont jamais vu ça, jamais avec une telle concentration en tout cas. Fait que là, ils rigolent, mais en même temps, ils voient bien que ça fonctionne pas. Puis en même temps, ça fait apprécier justement quand ça fonctionne. Peut-être que les BD médiocres sont nécessaires. Si on avait que des chefs-d'œuvre, ma foi, on les reconnaîtrait plus. Je dis ça avec une certaine philosophie. Quelle belle philosophie. et dans le fond, donc, de tout ça, de ce que j'en retiens ce soir en route vers mercredi, Michel Giguère, c'est que dans le fond, la mise en scène en BD, c'est véritablement, c'est une alchimie. En fait, c'est de réussir à bien placer, à trouver l'équilibre entre les différents ingrédients. Et que la recette, en fait, on soit pas en mesure, dans le fond, à première lecture, sans chercher à l'analyser, mais de la saisir, on l'a pas tout cru non plus. Ça, t'sais, les explications depuis tout à l'heure semblent très techniques. Puis quand tu parles d'alchimie, ben là, tu sais que l'alchimie, c'est le mélange d'alchimie et la magie, une part de magie, là. Et puis, sans aller jusqu'à la magie qui est pas montrée tellement, mais il y a quand même, entre en ligne de compte aussi le sens de la BD que certains BDistes ont et d'autres moins. Comme d'autres ont le sens de l'humour ou le sens de l'orientation, ça prend une espèce de naturel de sentir les choses, de sentir la bonne façon de raconter. Et c'est d'une très grande délicatesse et d'une très grande subtilité. Fait que je pense bien que les gens vont apprécier les exemples qu'on va voir. On va voir des affaires ratées, mais on va voir. Après, belle planche aussi. Alors, ça s'appelle « Pourquoi on embarque ?» Deuxième partie, mise en scène, mise en séquence. On l'a dit au début, vous n'avez pas vu la première, c'est pas grave. Il y aura des images, il y aura des explications, il y aura des révélations, qui sait. Ouais. Alors, c'est mercredi prochain, 19h, à la bibliothèque Gabriel-Roy. C'est gratuit. Michel Giguère, nous, on se dit au mois prochain et à mercredi prochain. Puis merci de ton invitation. Ça me fait plaisir. Et voilà, nous, c'est ainsi qu'on se dirige vers la conclusion de cette émission. Bien entendu, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre rendez-vous. On aura l'occasion de jaser bande dessinée. Un retour sur Angoulême 2013 avec Thomas-Louis Côté qui était sur place. Également, on rencontre le BDiste Michael qui viendra nous parler du tome 2 de sa série Rapa Nuit. Alors, c'est Raymond Poirier au micro. C'était un plaisir d'être avec vous cette semaine et passez une excellente semaine sur les ondes de CKRL 89.1.